Chapitre 21e. La bonne mort. Des voitures d'ambulance, des voitures cellulaires escortées par des gardes municipaux requis par Paulin Broquet, emportèrent les blessés parmi les Broquets ou la bande des aides vers l'Hôtel-Dieu ou l'infirmerie du dépôt. Les hommes du détective, maîtres du terrain, vainqueurs en somme, surveillaient les alentours du hangar, secondés par des agents des brigades centrales. Le coup était magnifique. Paulin Broquet avait fortement ébréché la terrible bande de Zigomar. Il pouvait être content de sa soirée. Lui, il s'était changé. Il avait revêtu un nouveau costume sec, pris dans le coffre de son auto, qui stationnait maintenant devant la porte du hangar. Gabriel et Lamorce, le docteur Robert Montreuil qu'on était allé quérir, frictionnèrent Paulin Broquet quand il sortit du canal, le pansèrent, le remirent en état. « Ce bain, disait-il en riant, me fait beaucoup de bien. C'est la douche après l'assaut. Excellent et réconfortant. » Le docteur Robert eut à s'occuper aussi du brigadier que Paulin Broquet, après l'avoir jeté dans le canal, était allé pêcher au fond de l'eau où il se noyait, car le brave homme ne savait pas nager. Quand il revint à lui, une voiture d'ambulance l'emporta sans qu'il ait encore eu le temps, ni la présence d'esprit, de comprendre ce qui lui était arrivé. Paulin Broquet avait dépensé une somme de volonté, une puissance d'énergie excessive. Tout autre que lui, après ses péripéties, ses luttes, ses combats, ce plongeon, se fut déclaré à bout de force, anéanti, épuisé ou claqué, comme on dit en langage de sport. Lui, une fois frictionné, habillé, prit dans sa voiture un bout de pain, un carré de fromage qu'il croqua. Il avala un verre de café que Lamorce lui fit chauffer. Puis, allumant une cigarette, il reprit, alerte et guilleret, sa besogne, un moment interrompue. Maintenant on éclairait le hangar tragique avec des torches et de grosses lampes. Les hommes de Paulin Broquet le fouillaient dans tous les coins, cherchant les aides ou blessés, ou se tenant cachés, sous la conduite de Lamorce, voulant s'assurer qu'aucun nouveau piège n'était préparé, qu'aucune mine ne se trouvait disposée dans un coin quelconque. Pendant ce temps, Paulin Broquet se disposait à descendre dans la cave par une échelle nouvelle, que ses hommes mettaient en place, et tout en fumant sa cigarette, il questionnait son lieutenant Gabriel. « Oui, mon garçon, tout s'est passé comme nous l'avions prévu. La quiche faisait le jeu de Zigomar. Grâce à ce pauvre diable de la terreur d'Ordano, sous le prétexte de nous montrer le corps de la femme rousse dont il avait coupé la tête, Zigomar nous a attirés dans cette cave. Nous devions périr là-dedans, enlisés dans ce ciment à prise rapide. Nous devions être absorbés par cette tombe vampire. J'en conviens, c'était une trouvaille dans le genre criminel, une innovation zigomaresque. Elle n'a pas tout à fait réussi. Non. Zigomar aurait dû, s'il était plus fin, plus psychologue, comprendre que Paulin Broquet avait écouté avec trop de confiance le récit de la terreur et ajouté trop vite foi au serment de trahison de la quiche. Il aurait dû se dire que Paulin Broquet, déjà échaudé ou refroidi, à demi dans une cave, devait se méfier de tout ce qui se passerait dans un sous-sol, craindre toute cave, de même qu'il redouterait également tout grenier en souvenir de Zulma. Comme un chat échaudé a peur de l'eau froide. Naturellement, chef. Mais Zigomar a cru merveilleuse son invention de la tête coupée. Il a pensé que Paulin Broquet allait se lancer consciencieusement dans cette aventure captivante qui conviendrait admirablement à ses goûts, à son talent. Oui, oui. Zigomar s'est dit que Paulin Broquet, asticoté par les sarcasmes de la presse, les blagues des reporters au sujet du corps introuvable de la femme sans tête, allait se piquer d'amour-propre. Montrer qu'il était à la hauteur de sa réputation, et qu'avec empressement, il voudrait ajouter un nouveau fleuron à sa gloire, et qu'il donnerait dans le panneau. Panneau d'ailleurs, il faut le reconnaître, admirablement tendu. Oui, chef, mais vous avez si bien su jouer votre rôle de dupe, que Zigomar était pris à son propre piège, et vous avez merveilleusement mené l'expédition. Non, fit le détective, non, ce n'est pas fini. Il alluma une nouvelle cigarette et demanda à Gabriel. Comment se fait-il que vous m'ayez pendant si longtemps abandonné au cours de la bataille ? Mais, chef, nous ne vous avons pas abandonné du tout. C'est vous qui nous avez filé entre les doigts. Raconte-moi ça. Chef, on vous suivait, on vous tenait à l'œil sur vos tonneaux et on entourait Zigomar, quand tout à coup vos barils de ciment se sont écroulés. J'ai dégringolé avec eux. Comment n'ai-je pas été écrasé ? Je ne le comprends pas encore. Cet effondrement nous a bousculés, dérangés. Nous vous avons cherché parmi tout ce ciment. Ne vous trouvant pas, Nous vous avons cru ou sous les tonneaux ou roulés dans la cave. Nous avons été, je le confesse, un peu affolés sur le moment. Un des nôtres a sauté dans la cave pour voir si vous y étiez tombé. Il ne m'y trouva pas, alors. Votre disparition inexplicable nous troubla davantage. Je ne sais pas tout ce que nous avons imaginé, redouté. Nous tremblions. Nous vous cherchions partout. Nous courions dans le hangar, vous appelant. Dehors, nous demandions aux camarades où vous étiez passé. Personne ne vous avait vu. Nous étions comme des fous. « Mes braves amis, » fit Paulin Broquet, serrant les mains de son lieutenant. « Ensuite, aussi, quand nous avons entendu votre sifflet, votre signal, il nous a semblé que nous commencions à respirer, que nous revenions à la vie, et nous nous sommes précipités à votre secours. » Gabriel demanda à son chef, « Pendant ce temps, où étiez-vous passé? Qu'est-ce que vous êtes devenu ?» J'avais eu la chance de crouler avec ma pyramide de tonneaux près du couloir secret par où les aides fuyaient. Je devine. Naturellement, comme c'était imprudent, dangereux de le faire, vous vous êtes engagé dans ce couloir, tout seul contre tous, au risque d'être pris dans cette souricière, assassiné. Passons, passons, fit Paulin Broquet. Donc, quand vous avez entendu mon appel, nous nous sommes précipités, et après avoir un peu flotté sur le quai, nous vous avons aperçu sur le pont et nous sommes arrivés. Trop tard, comment cela? Je tenais Zigomar. Zigomar, vous teniez Zigomar? Oh, cette fois, pas de doute. C'était bien Zigomar, c'était bien le comte de la Guérinière. J'ai pu voir sur la poitrine la marque que j'ai faite au comte de la Guérinière, la marque dont Zigomar ne pourra jamais se débarrasser. Et Zigomar s'est échappé. Non, c'est la police qui a sauvé Zigomar. La police, par exemple. Oui. Le brave brigadier qui connaît, paraît-il, très bien Paulet Broquet, m'a pris, moi, pour un bandit féroce, un forcené, pour Zigomar. Non, je vous raconterai ça plus tard. Paulin Broquet dit alors à son fidèle lieutenant, « Mais toi, dis-moi ce qui s'est passé dans la cave après mon départ. »« Ah, chef, » répondit Gabriel. « Comme vous aviez bien deviné que Zigomar, en vous attirant dans ce hangar, voulait vous noyer dans la cave ou vous assassiner. C'est pour cela, pour mieux le tromper. » Que vous avez fait semblant de donner dans son piège, et c'est exprès que vous portiez ce pardessus gris, clair, très visible, très reconnaissable. En effet, nous avons admiré, l'amorce et moi, la façon rapide et merveilleusement adroite dont vous avez, lorsque les aides, qui connaissaient votre signal, tapèrent sur la trappe pour vous attirer dehors, forcé la quiche à revêtir votre pardessus clair, à monter à votre place à l'échelle, et à recevoir les coups de poignard qui vous étaient destinés. Cela, chef, ce fut admirable. Mais la terreur. Oh, le pauvre diable! Il regardait tout ça sans comprendre. Il ne pouvait admettre que son copain Lakish fût un traître. Il ne voulait pas croire que les aides avaient joué avec sa douleur, avec son malheureux amour pour la femme rousse. Et qu'on l'eût, lui, la terreur d'Ornano, qui vous avait donné sa parole, fait jouer ce rôle de traître envers Paulin Broquet. Il était furieux. Il voulait monter, tuer tout le monde, écrabouiller les aides, mettre en morceaux Zigomar lui-même. Pauvre diable! J'ai eu du mal à le retenir, et si l'échelle n'avait pas été brisée, il serait monté, malgré moi, et aurait commis quelque folie, qui nous eût fortement gênés. Mais quand l'échelle a été brisée, que s'est-il passé? Les aides, dont nous entendions les cris, ouvrirent un robinet qui envoya dans la cave un ruisseau d'eau, et ils se mirent à vouloir faire basculer la trappe qui maintenait le ciment. Oui, le ciment à prise rapide, qui, grâce à l'eau, devait nous prendre, nous garder, nous engloutir. Car c'était bien combiné. Plus nous aurions cherché à nous défendre contre le ciment et l'eau qui devaient nous gagner, plus nous facilitions le gâchage du mortier et secondions le plan atroce de Zigomar. Il était évident qu'après avoir lutté longtemps, désespérément contre cet enlisement, nous devions tomber épuisés, anéantis et être dévorés, ensevelis, vivants, dans cette tombe effroyable. Oui, chef, mais la terreur me dit « Faut que tu t'en ailles d'ici, reste pas. » C'est la mort. Alors, pour remplacer l'échelle, il tira près de la trappe les vieux tonneaux, les matériaux, tout ce qui pouvait m'aider à gagner le dehors. Et alors, il fut héroïque. Quand le plancher supportant le ciment commença à pencher, la terreur monta sur cet amas de décombres. Il s'arc-bouta, et sur ses mains il supporta le poids colossal qui allait s'abattre dans la cave. « Sauve-toi, » me disait-il, « mais sauve-toi donc !» Comme je résistais, et voulait qu'il s'échappe avec moi, il me prit par les épaules. « Tu diras à Paulin Broquet, » me fit-il entendre, « que la terreur d'Ornano n'est pas un traître. Alors il me souleva, et il me jeta hors de la cave comme un paquet, un sac, un animal que malgré lui on fait passer ailleurs. J'ai vu. Oui, chef. Mais pour me prendre ainsi et me jeter hors de la cave, la terreur d'Ordano avait dû abandonner la planche que ses bras solides comme des poutres maintenaient. Le plancher s'écroula, et l'énorme poids de ciment, les sacs, les tonneaux tombèrent sur la terreur. Paulin Broquet dit alors « Allons voir ». Les hommes de la brigade des Broquet avaient établi une nouvelle échelle. Ils s'armèrent de fanaux, de torches, et Paulin Broquet put avec Gabriel descendre dans la cave qui devait être leur implacable tombeau. L'eau n'avait pas eu le temps de gagner tout le ciment. Le plan de Zygomar avait échoué. Mais on aperçut en piteux état les aides que Paulin Broquet, en défendant Gabriel, avait jetées dans la cave. L'un d'eux paraissait sans vie. Un autre gémissait. On trouva aussi le malheureux Gaston Soclet, qui poursuivait le sommeil douloureux dans lequel on l'avait plongé. Enfin, sous la couche de ciment, on découvrit le corps de la terreur d'Ornano. La terreur était tombée sur le dos. Il gisait les bras en croix, et sous le poids des tonneaux pleins de ciment, ses côtes étaient enfoncées, sa vaste poitrine de colosse s'était broyée. Dans sa poitrine, son cœur qui contenait tant d'amour fruste, rude, naïf et profond, tant d'amour vrai pour la mystérieuse femme rousse, son pauvre cœur était broyé.